Revenons aux vraies affaires. Revenons aux luttes féministes. Hier, il y a eu une opération, une action écoféministe à Montréal. Une centaine de femmes qui ont formé un mur. Un mur? Pour bloquer l'entrée de la raffinerie Suncor à Montréal. Un mur de femmes. Une entreprise qui, imagine-toi, raffine le pétrole des sables bitumineux, là, les plus sales au monde. Ces femmes-là, ces féministes-là, là, est-ce qu'il y a mieux qu'on achète du pétrole dans les pays musulmans? Là? Non, c'est mort au pétrole. Des féministes qui crachent sur le pétrole canadien. Faut le faire. Il est mieux qu'on achète le pétrole au Moyen-Orient? C'est-tu vraiment ça que vous voulez en Arabie Saoudite puis dans d'autres pays où les droits des femmes n'ont pas trop sûrs? Tu veux-tu vraiment raisonner? Ça n'a pas de sens, ça. Tu veux-tu vraiment raisonner et négocier avec un mur de femmes? Ah, mais c'est complètement illogique, Denis. Pense-y, là. Ils crachent sur le pétrole canadien, des féministes. Oui. Ils veulent qu'on aille de acheter du pétrole. Ouais. Ben oui. Ils veulent qu'on aille acheter du pétrole au Moyen-Orient. Mm-hmm. Pense-y deux secondes, là. Jusqu'à quel point ça n'a aucun sens de poser un geste de ce genre-là. Et il y a eu une manif aussi à Québec. Et il y a une dame qu'on va entendre. Merci à TVA pour l'extrait. Une dame qui nous démêle bien tous les dossiers. Elle mêle pas 52 affaires en même temps, là. Ça, c'est les meilleurs, ça. Madame Bonheur, puis le féminisme, là, puis la manifestation hier. Tout le temps, les femmes se sont battues. On est en train de tout perdre, même toute la population. Et c'est insultant d'entendre les journaux dire que les fonctionnaires sont gâtés. Les fonctionnaires, ce sont des femmes. Hein? Ce sont des femmes. Hein? On peut-tu le réécouter? J'essaie de comprendre. Hey boy, c'est pire que la première phrase du texte de c'est Richard pire, Desjardins. Hein? Mais les femmes, là, sont en train de tout perdre. Puis à cause de l'histoire dans le journal de la semaine passée de la fonctionnaire qui a accumulé 200 jours de maladie, c'est encore pire, Denis. Mais là, on peut pas... Les fonctionnaires, ce sont des femmes! Fait que parce qu'il y a des femmes fonctionnaires, ouais. C'est quoi, on n'a pas le droit de dire que les fonctionnaires sont gâtés? Calvaire! Tant les femmes se sont battues, on est en train de tout perdre, même toute la population. Et c'est insultant d'entendre les journaux dire que les fonctionnaires sont gâtés. Les fonctionnaires, ce sont des femmes. Je comprends rien. Ce sont des femmes. Pauvre madame. Ça a bien été hier, donc la journée de la femme hier avec les manifs. Ça a très, très bien été. Yes, sir. Dans les autres nouvelles de la fin de semaine, ça va brasser.